c'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire, eh bien faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à tous et bienvenue dans La Marche des Sciences, émission Grand Portrait de scientifiques, dédiée aujourd'hui au docteur Eliane Gluckman. Comme médecin, quand j'étais interne ou quand j'étais chef de clinique, j'ai rencontré beaucoup de médecins de qualité à l'assistance publique. Peu qu'il y avait autant d'imagination, je dirais, et d'idées nouvelles. Ça, c'est quelque chose quand même de plus exceptionnel. Comme le disait à l'instant l'hématologue Agnès De Vergy, notre invitée du jour a la réputation d'être une personne pleine d'idées nouvelles et d'énergie. Une femme médecin, atteinte du virus de la recherche, et qui après 40 ans passés auprès de ses patients, a choisi de consacrer son temps à cette recherche, justement nécessaire pour sauver des vies. Hématologue de renommée internationale, spécialiste de transplantation de moelle osseuse, Eliane Gluckman a été la première à réaliser une transplantation de sang de cordon ombilical en 1988, ouvrant dès lors la voie à d'autres avancées majeures en ce domaine. La recherche et l'audace, les découvertes et l'espoir, c'est son univers de la vocation à la consécration que nous allons arpenter ensemble sur France Culture, le parcours d'une femme tenace, une pionnière qui concrétisa des rêves face aux maladies. Hématologue, professeur émérite à l'Université Paris Diderot, médecin des hôpitaux à l'hôpital Saint-Louis de Paris, spécialiste de la greffe des cellules souches du sang, directeur du groupe de recherche Eurocord et Monacord, association soutenant la recherche sur le sang de cordon, Eliane Gluckman se livre aujourd'hui dans La Marche des Sciences, émission qui sera émaillée d'archives sonores de l'INA, dénichées par Anaï Morales et Gwen Michel, et d'interviews réalisées par Catherine Decopé auprès de proches de notre invité dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. Eliane Gluckman, le cordon de la vie. Être médecin, ça signifie qu'on est un scientifique au service de l'homme, alors que beaucoup de scientifiques, comme vous le savez, sont au service de la Lune. Et nous avons, nous médecins, simplement la même méthodologie scientifique que les spécialistes de l'espace ou de l'atome, mais un objectif différent, l'homme, tout simplement l'homme. On est médecin par vocation ou par tradition familiale ? Pas du tout, ni l'un ni l'autre. On est médecin parce que le hasard vous a fait médecin, de même qu'on est sur cette terre par hasard. Vous savez que ce qui dirige ce monde physique dans lequel nous vivons, c'est le hasard. Bonjour Eliane Gluckman. Bonjour. Alors on vient d'entendre la voix de quelqu'un qui a compté pour vous, interrogé donc par Jacques Chancel dans l'émission Radioscopie. C'était le 24 novembre 1969. Est-ce que vous avez reconnu sa voix ? C'était Georges Mathé. Exactement, bravo. Le maître, c'est lui qui m'a introduit à l'hématologie. J'étais encore très jeune, puisque j'étais pour la première fois étudiante, toute récemment entrée en médecine, ce qu'on appelait les externes à l'époque. Et je suis rentrée dans un univers qui était vraiment fabuleux. Tout ce qu'il faisait était nouveau. Et il avait une approche des patients, une approche du diagnostic qui était tout à fait extraordinaire. Et il ne faut pas oublier que Georges Mathé a été le premier qui a développé l'hématologie moderne. Et non seulement les greffes de moelle, mais il a également mis en place les transfusions de plaquettes et de globules blancs qui n'existaient pas à l'époque, la chimiothérapie. Il a été également élève de Hamburger, où il a travaillé sur l'équilibre hydroélectrolytique, qui était quelque chose d'assez mystérieux à l'époque. Mais oui, Jean Hamburger. Et donc, c'était vraiment un homme absolument étonnant. Alors, il parlait dans ce document donc de 1969 de hasard. On devient médecin par hasard. J'ai envie de dire, pas tout à fait pour vous quand même, Eliane Gluckman. Donc, vous êtes née en 1940 et tout se mêle. C'est à la fois donc vos origines dont on peut parler et puis votre père qui va disparaître trop tôt. Oui, je ne suis pas du tout médecin par hasard. J'ai été programmée pour être médecin. Mon père, malheureusement, est décédé au tout début de la guerre, c'est-à-dire très peu de temps après ma naissance, ce qui fait que je ne l'ai jamais connu. C'était un médecin venu de Pologne et qui travaillait en gastro-entérologie et qui était très bien vu de ses maîtres français. Au début de la guerre, il a pensé que l'atmosphère en France n'était pas propice, surtout pour les personnes d'origine juive, et il avait postulé pour un poste de coopérant à Dakar pour travailler sur la maladie du sommeil. Mais comme j'étais toute petite, il a dit à ma mère, je pars avant et vous viendrez me rejoindre. Malheureusement, son bateau est découlé et on ne l'a jamais rejoint. Donc ma mère s'est retrouvée veuve très jeune. Et vous étiez où à l'époque? Vous habitiez où? On était à Paris, mais pour moi c'est assez obscur parce qu'on a beaucoup, dans cette période de guerre, je ne connais pas tous les détails. Tout ce que je sais, c'est que j'ai passé une partie de mon enfance en Auvergne, où j'étais dans un petit village de montagne, où ils ont été absolument extraordinaires. Ce qui fait que j'étais dans un couvent, et donc il y avait deux classes, une pour à partir de 10 ans et l'autre qui était deux classes uniques. Ce qui fait qu'à l'âge de 2-3 ans, j'étais déjà à l'école, et à 4 ans, je lisais. Et à 4 ans et demi, 5 ans, j'expliquais aux filles qui faisaient le certificat d'études les définitions du dictionnaire. Et en tout cas, c'est le souhait de votre mère que vous preniez cette suite. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas le hasard chez vous. Vous étiez programmé parce que pour votre maman, prendre la suite de votre père décédé, c'était important, c'était logique. Pour elle. C'était logique et important. C'est vrai que je me suis jamais posé la question de faire autre chose. Et alors, ce choix d'entrer en hématologie. Alors là, c'était pas programmé, mais finalement, ça l'était un petit peu. Moi, j'aime bien les causes perdues. J'aime bien les situations difficiles et j'aime bien travailler dans des domaines inexplorés. Et l'hématologie, quand j'ai commencé ma médecine, était un domaine inexploré et assez rébarbatif. Pour mon premier stage d'hématologie à l'Hôtel Dieu, il y avait un certain nombre de patientes leucémiques. Je me souviens très bien d'une jeune fille de 15 ans qui avait un diagnostic de leucémie aiguë. Et cette petite jeune fille qui était absolument magnifique et adorable, son espérance de vie était de 6 mois. Et d'ailleurs, elle est décédée assez rapidement. Donc, c'est vrai que pour se lancer dans ce genre de discipline, il fallait soit avoir de l'intuition, soit être vraiment très motivé. Et vous aviez et l'intuition, la motivation, on parle de vous en parlant de curiosité, l'énergie très tôt qui vous a poussé à agir et à innover justement. Oui. Oui, je pense que c'est ça qui est important. La médecine peut être pratiquée de façon tout à fait différente. On peut très bien pratiquer une très très bonne médecine, être un très bon médecin, mais ne pas chercher à innover. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que j'ai fait l'hématologie, c'est parce qu'on avait une part de traitement, qui était des traitements de très haut niveau, avec beaucoup de responsabilités et beaucoup d'échecs, mais aussi des succès. Chaque succès était important. Surtout dans les débuts, mais il y avait toujours cet espoir d'amélioration des résultats. Et au cours de ces 40 années où j'ai pratiqué l'hématologie, il n'y a pas eu de mois où on n'a pas été enthousiaste parce qu'il y avait des nouvelles techniques, des nouveaux résultats. Et c'était vraiment très excitant. Et alors, il y avait un autre mentor, Eliane Gluckmann, auprès de vous, Jean Bernard, autre spécialiste d'hématologie et de cancérologie. Alors, dans un monde où il y avait peu de femmes. J'étais la seule. Enfin, c'était intéressant parce que j'étais pas programmée pour être professeur. Quand j'étais hématologiste, on m'a dit il faut faire de la recherche. Donc, vous allez entrer à l'INSERM parce que la recherche, c'est bien, ça se rapproche de la cuisine. Donc, pour une femme, ça va bien. Moi, je ne savais pas ce qu'était la recherche à l'époque. Je dis pourquoi pas. Donc, j'étais me former chez Jean Dausset. C'était pas une mauvaise pioche là non plus. Exactement, un grand nom là encore. Et ça se rapprochait petit à petit de mon domaine, puisque lui, il travaillait sur la greffe et c'est lui qui a découvert le système HLA. Ça tombait bien. Oui. Donc, j'ai appris à faire les typages HLA dans son laboratoire. J'étais pas spécialement douée pour le laboratoire parce que je trouvais que c'était assez ennuyeux. Et au lieu de compter les choses, je faisais un peu à l'œil. Mais quand même, j'ai beaucoup appris dans ce laboratoire. Donc, j'avais une certaine expérience du laboratoire. Et j'ai donc été interne, puis chef de clinique chez le professeur Jean Bernard. Et c'est Jean Dausset qui m'a demandé ce que je voulais être. Plus tard, je dis que moi, il y avait une chose qui m'intéressait, c'était la greffe de moelle. J'avais appris chez Georges Mathé comment faire, mais à l'époque, il n'y avait pratiquement pas de survivants. Et c'est Jean Bernard et Jean Dausset qui m'ont envoyé aux États-Unis auprès du professeur Don Thomas à Seattle, lui aussi prix Nobel, pour apprendre la greffe de moelle. À l'époque, c'était très nouveau, il y avait beaucoup d'échecs, mais il y avait quand même, et c'est ça qui était tout à fait intéressant aux États-Unis, c'est qu'il y avait un fonds d'expérimentation animale chez le chien qui donnait des modèles. Donc ce qu'on faisait n'était pas sorti d'imagination, mais c'était sorti d'expériences qui étaient très sérieuses. Et quel type de maladie on essayait justement d'envisager les de traiter? Les premières greffes ont été faites chez les petits-enfants atteints de déficit immunitaire congénital. Oui. Par exemple, il y a eu dans les années 70, mi-70, là, quand j'ai commencé les greffes, il y avait eu une publication des 200 premiers cas de greffe de moelle dans le monde. Je crois qu'il y avait 10% de survivants. Et c'était essentiellement des enfants. Et c'était des maladies, soit des déficits immunitaires, des maladies génétiques, soit des insuffisances de la moelle osseuse et quelques leucémies. Les leucémies étaient toutes greffées à un stade très avancé de la maladie, donc les résultats n'étaient pas bons. Et donc, vous passez un an à Seattle, et puis vous revenez à Paris, et là, donc, votre univers sera l'hôpital Saint-Louis. Oui. Hein, et on vous demande de monter le service de greffe de moelle osseuse à Paris, donc sur cette demande de Jean-Bernard Jean Dausset. Je vous propose, avant d'aller plus loin, Eliane Gluckman, d'écouter un document sonore. C'est l'extrait d'une émission de télévision, c'était sur Antenne 2, le 13 octobre 1981. Et c'est Martine-Alain Regnault qui, justement, se trouve à ce moment auprès d'un petit garçon dans votre département de l'époque. Tout à l'heure, j'ai entendu, quand je parlais avec ta maman, tu as dit... J'étais foutue. Qu'est-ce qui te l'avait dit, ça? Bah, parce que j'avais entendu, ils avaient dit, il n'y a pas de remède. Ils avaient dit, il n'y a pas de remède? Ouais. Devant toi? J'avais entendu. Ah. Ils ne t'avaient pas dit à toi, mais ah, tu avais entendu. Pas dit à moi. Et tu en avais parlé un peu avec tes parents? Mais non, tu l'avais gardé pour toi. Comme si j'avais pas entendu. Ouais. Tu l'as fait comme si tu n'avais pas entendu. Ouais. Et puis un jour, on t'a dit, on va te faire une greffe. Oui. Et on t'a expliqué pourquoi on te faisait une greffe? Oui, ils disaient que la moelle était agonisante. Et il te disait que si on faisait pas de greffe, il se passerait quoi? Bah, il se passerait que le sang n'agirait plus sur moi. Et puis, je crois que je mourrais. Alors, t'as quand même pas dit oui, hein? Hein? On t'a demandé ton avis. Ah, pour la greffe, j'étais carrément d'accord. Ouais? Mais parce qu'ils m'ont dit que je perdrais mes cheveux, alors j'ai pas voulu. Alors, t'as dit que je préfère mourir que de perdre mes cheveux? Ouais. Puis finalement, t'as accepté, hein? Bah, ils m'ont forcé. Ma sœur, ouais. Elle a donné sa moelle. Ouais? Alors, ils l'ont emmené en salle d'opération, puis ils ont fait des ponctions dans les os. Ouais. Et puis ils ont retiré de la moelle, un litre et demi. Puis moi, ils m'ont passé par perfusion. Et tu sais pourquoi c'est elle? Parce qu'elle avait la moelle identique. À toi? Ouais. C'est formidable, non? S'il n'y aurait eu personne, eh ben. Eh ben quoi? Ils auraient toujours tenté un traitement, mais. Je crois pas que ça aurait marché. Alors, Eliane Gluckman, ce petit garçon qui s'appelait Guillaume. Oui, je me souviens. Vous vous souvenez? Oh, on a eu beaucoup de malades qui sont tellement attachants. C'était vraiment extrêmement touchant de voir ces enfants et la confiance qu'ils avaient en nous, alors que c'était quand même très dur. Il a parlé de ses cheveux. Les patients agréfés, je les voyais toujours en première consultation avec leur famille et leur donneur pour commencer à expliquer. Et c'était très difficile en un seul entretien d'expliquer. Parce que dès qu'on commençait à parler des cheveux, le malade commençait à pleurer, il n'écoutait plus. Mmh. Et donc il fallait y revenir plusieurs fois et bien expliquer. Et ça paraît tellement trivial, la perte des cheveux. Je leur disais, mais écoutez, il y a la perruque, il y a un chapeau, il y a une casquette, ça va repousser. Mais c'était le truc en trop. Il y avait deux choses qui ne passaient pas chez nos patients. C'était dans les séquelles, il y avait... Une qui était réversible, c'est-à-dire la perte des cheveux, et une qui l'était moins, c'était la stérilité due à nos traitements. Et là aussi, c'était très lourd à expliquer, mais on ne pouvait pas se lancer dans des traitements aussi durs sans expliquer exactement, au moins, certaines des complications de ce type-là. Et de toute façon, c'est un parcours main dans la main, patient-médecin. Oui, et comme dit Guillaume, il n'avait pas le choix. C'est ce qu'ils disent. Faites comme vous voulez, docteur. Je n'ai pas le choix. Mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'il avait tout compris, il avait entendu beaucoup de choses et il n'avait rien dit à ses parents pour ne pas les inquiéter. C'est aussi ce rapport du médecin qui doit mettre des mots et comprendre ce qu'il y a dans la tête de ses enfants qui sont voilà, très matures finalement et qui essaient de préserver leurs propres parents oui, face mais à l'adversité. C'est pour ça qu'il ne faut rien cacher. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris pendant mon exercice professionnel. Parce que moi, quand j'ai commencé l'hématologie, la règle était de ne jamais dire la vérité aux patients. Et donc, on parlait de petites maladies et que ça allait mieux. Et c'est grâce à notre psychologue, Nicole Albi, qu'elle a dit « Vous ne pouvez pas continuer à ne pas dire la vérité aux patients. » Et au début, ça a été très difficile pour nous de le faire parce que ce n'était pas la pratique. Les choses ont bien changé. Alors là, c'était donc en 1981, mais les choses vont aller très vite dans ces années 80, Eliane Gluckman. Il y a des événements majeurs comme la catastrophe de Tchernobyl survenue le 26 avril 1986 qui va précipiter les choses par rapport à ces greffes et notamment de sang de cordon ombilical. Et puis cette belle histoire finalement de 1988 que l'on va raconter dans un instant. Mais avant d'aller plus loin, là, on va entendre quelqu'un qui vous est proche hein, et qu'on a entendu au tout début de l'émission, Agnès de Vergy, hématologue et collègue, et elle va nous parler justement de ce fameux mois d'août 1988 dont elle se souviendra toujours. C'était au mois d'août, j'étais à un congrès international aux États-Unis. Et là, j'ai un médecin américain qui travaillait sur les cellules de sang de cordon, qui est venu me trouver, qui m'a expliqué ce qu'il faisait sur les cellules de sang de cordon, qu'il y avait des cellules souches, et qu'il avait recueilli ces cellules dans une famille où il y avait un enfant qui était malade. Et cet enfant malade avait une maladie particulière qu'on appelle la maladie de Fanconi, qui est une maladie génétique assez rare qui, dont le traitement est la greffe de cellules souches. Et ce médecin américain m'a dit qu'il avait recueilli les cellules souches de sang de cordon d'une petite fille, d'un nouveau-né, dont le frère avait cette maladie et qu'il voulait tenter une greffe chez cet enfant et qu'il avait pensé que l'équipe de Mme Gluckman était la mieux située pour pouvoir faire cette greffe. Enfin, j'ai dit « Ok, on va contacter Mme Gluckman ». Donc, on lui a téléphoné. Et elle a tout de suite compris l'intérêt de cette nouvelle technique. Mais je me souviens très, très bien du jour où on a fait cette greffe parce qu'il y avait ce médecin américain, le professeur Broxmeyer, qui était présent et qui marchait de long en large dans le couloir, exactement comme un père qui attend l'accouchement de sa femme. Enfin, c'était vraiment cette ambiance-là. C'était le travail de sa vie, ces cellules de sang de cordon. Et il était venu chez nous pour réaliser cette greffe, et avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Et je crois que cette émotion, elle était partagée par toute l'équipe. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Alors Eliane Gluckman, là c'est encore une histoire avec un enfant, Matthew, 5 ans, mais les Américains viennent vous chercher. Oui, ils viennent me chercher parce que cette maladie de Fanconi est une maladie très particulière. Elle est liée à une anomalie génétique qui rend les cellules des patients très sensibles à toutes les agressions, en particulier à la chimiothérapie. Et comme pour préparer une greffe, c'est une maladie qui est mortelle, qui peut provoquer un arrêt du fonctionnement de la moelle, ou une leucémie. Enfin, certains patients survivent sans trop de complications, mais c'est une maladie très grave. Et donc, il y a une indication impérative de greffe de moelle. On avait fait à Saint-Louis, dans les débuts des années, enfin en fin des années 70, début 80, quelques greffes chez ces patients-là, et les résultats avaient été très mauvais, parce qu'il y avait une toxicité qui était très différente par rapport aux patients habituels. Et donc là, mon attention a été attirée par cette toxicité qui n'était pas fréquente. Et donc, on est reparti un petit peu au laboratoire. On a dit comment ça se fait. Ils ont des anomalies des chromosomes. Peut-être qu'ils ont une sensibilité particulière aux chimiothérapies. C'était ça la découverte. Et donc, on a fait des tests en laboratoire. Et on a mis les médicaments en présence des cellules. Et on a vu effectivement que ça les détruisait très vite. Donc, finalement, ce que j'ai fait, c'est qu'on a baissé les doses de chimiothérapie de 100 fois la dose habituelle, en disant « ça va marcher comme ça ». Et évidemment, ça a marché. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à le publier vraiment, parce que ce n'était pas dans l'air du temps, et nos publications ont été rejetées longtemps. Avant que, même très longtemps, rejeté avant que ce soit. Oui. Rejeté parce qu'ils disent c'est pas vrai, c'est pas bien. Ah oui, d'accord. Et puis les Français, ils savent pas écrire l'anglais, enfin des choses comme ça. Mmh. Et donc, on a publié ça dans un journal relativement obscur. Mais quand même, il y avait des réunions des spécialistes de la maladie de Fanconi et je présentais nos résultats qui donnaient 80% de guérison alors que les autres n'avaient été loin d'avoir ça. Donc c'était connu quand même un peu, mais jamais vraiment bien publié. Et donc 10 ans plus tard, quand ils ont eu cette possibilité d'utiliser le sang de cordon, ils en ont parlé à des collègues américains, mais ils n'ont pas voulu le faire, parce que leurs résultats de greffe dans les maladies de Fanconi, comme ils continuaient à leur donner des traitements toxiques, ne marchaient pas. Donc ils ont refusé de le faire. Oui. Et c'est là qu'ils ont dit, ah ben pourquoi on ne va pas à Paris ? Et voilà la raison pour laquelle cette greffe a eu lieu à Paris. La deuxième raison pour laquelle j'ai accepté tout de suite, c'est premièrement, je savais comment on greffe la maladie de Fanconi. Et la deuxième, c'est que dans les années 80, on avait étudié les greffes de foie fœtal. Et ça marchait pas bien, c'était compliqué. Et puis avoir du foie de fœtus, c'était pas simple. Et donc, on avait plus ou moins abandonné, mais c'était quelque chose que j'avais fait déjà. D'accord. Donc pour moi, c'était quelque chose que je savais déjà faire. Et alors, finalement, l'intérêt du sang de cordon ombilical, pourquoi est-ce que les résultats sont formidables par rapport à des greffes de moelle osseuse ? Bien, l'intérêt, c'est que à la naissance, les cellules circulent encore dans le sang du placenta et du fœtus. Et après, elles vont rejoindre la moelle où elles vont rester. Il y en aura très peu dans le sang. Donc elles sont 100 fois plus actives. Et elles sont beaucoup plus actives en plus. En termes de prolifération des cellules souches. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'elles sont beaucoup moins actives en termes de réaction immunitaire. Et c'est ça l'intérêt. Vierges de tout presque. Elles sont vierges de tout. Oui. Ces cellules, elles sont tolérantes de par les interactions avec la mère, et elles n'ont jamais rencontré la moindre infection, donc elles ne sont pas stimulées. Ce qui permet, et c'était ça finalement, on ne le savait pas à l'époque, on pouvait avec très peu de cellules obtenir le même résultat qu'avec beaucoup de cellules de moelle adulte, et surtout, on pouvait faire des greffes incompatibles, ce qui n'était pas possible avec de la moelle adulte. Donc c'est ça l'intérêt. Et le dernier intérêt, c'est que ces cellules, une fois qu'elles ont été prélevées, on peut les congeler indéfiniment, et donc elles sont prêtes à l'emploi. Alors finalement, ce petit Mathieu, ça s'est passé comment ? Parce que c'était quand même une première. Ce petit Mathieu, ça s'est très bien passé. La famille était là. Ils ont eu un peu de mal parce qu'ils sortaient vraiment de la Caroline du Nord. Mais ils ont été bien pris en charge. La greffe a pris dans des délais assez rapides. Il a eu aucune complication. Il est resté un peu dans la région parisienne. Puis je l'ai reconfié à ses médecins qui étaient à Duke University en Caroline du Nord. Il est toujours vivant, il est marié, il a un fils. Il continue à travailler dans des associations qui s'occupent de greffes, de patients. Mais il va très très bien, sa sœur aussi, enfin tout le monde va bien. Vous êtes toujours resté en contact comme ça avec vos patients, Hélène Gluckmann ? Oui, oui, enfin beaucoup, beaucoup. Il y a eu à l'hôpital Saint-Louis, il y a eu une association d'aide aux greffés qui a été mise en place depuis très longtemps. Et donc, on a des nouvelles et certains patients continuent à m'écrire. Par exemple, je reçois tous les ans une carte d'un de mes premiers greffés des années 74 qui m'écrit tous les ans pour me donner des nouvelles. Il est ingénieur à l'aéronautique, il a 3 enfants. Il va très bien. Et vraiment, ça me fait tellement plaisir qu'il pense tous les ans à m'envoyer un petit mot. C'est vraiment très agréable. Ouais, vous comprenez pourquoi on a intitulé l'émission Hélène Gluckmann, le cordon de la vie quand même. Hein. C'est ce lien-là, bien sûr. Alors, dans votre vie que l'on sent très prise par la recherche, par la médecine, par les patients, par les familles et donc tout votre investissement professionnel, vous avez certainement besoin aussi d'évasion, Hélène Gluckmann. Et on s'est intéressé un petit peu à vos univers parallèles et notamment l'univers littéraire. C'est une amie à vous qui en a parlé, à Catherine Decopé, hein, qui a réalisé ces interviews. Elle est allée voir Edith Sieg, qui est ethno-linguiste. On l'écoute et on en parle. J'avais parlé à Eliane d'un groupe de lecture auquel j'appartiens et ça lui a donné l'idée d'en créer un elle-même parce qu'elle est très active et elle a tout de suite, elle attrape les choses facilement au bon, et elle a donc constitué un groupe de lecture avec des collègues à elle. Et on se retrouve tous les mois, et c'est très très agréable, autour d'une pâtisserie ou d'un verre de vin. Et ça se passe de façon très agréable. chez Eliane, qui reçoit très facilement et qui est toujours très, très accueillante, j'avais noté qu'elle est assez étonnante par son éclectisme. Elle peut lire dans tous les domaines. Elle lit aussi bien Le monde merveilleux des insectes de Fabre, qui l'emballe vraiment, elle adore, que des romans historiques comme Le rêve du Celte, comme des grands classiques comme Dickens, comme des biographies comme Limonov, comme les exotiques comme Oyane, comme Alexandre Dumas. Voilà, elle lit aussi beaucoup de littérature américaine. C'est ce qui fait l'originalité avec son mari à nos clubs de lecture, parce que nous ne lisons pas tous l'anglais, mais eux deux, oui, et mon mari aussi. Elle lit des policiers. Elle a calé sur Joyce, avec, comme nous tous. Et elle adore Houellebecq, ce qui fait une originalité aussi dans notre groupe. Elle aime Hugo Pratt. Et elle est très moderne, puisque naturellement, elle s'est mise tout de suite à la tablette pour être moins encombrée avec les livres. Elle aime lire. Alors, Eliane Gluckman, donc Edith Sieg, qui nous révèle un peu plus de votre personnalité, de vos facettes. On va vous demander un conseil lecture, hein, forcément. Ah, je sais pas, tout dépend des goûts. Mais la lecture, c'est ma vie. Toute ma vie, j'ai lu. Et d'ailleurs, ça m'a voulu beaucoup d'ennuis à l'école. Parce que j'avais toujours un livre sur les genoux et j'écoutais pas ce qui se passait, ce qui fait que il y avait quelques difficultés scolaires. Mais on apprend beaucoup en lisant. Et quand je voyage, maintenant j'ai la tablette, mais avant j'avais toujours au moins 3 livres par peur de manquer. Et en ce moment alors, qu'est-ce que vous lisez ? Oh, je lis un livre compliqué, Le dit du Genji, c'est un truc japonais, qui a été écrit par une courtisane dans les années 1000. C'est le club de lecture qui m'a donné ça. Ça me rappelle Madame de Lafayette. C'est un peu le même genre, vous voyez, c'est les histoires de cours, d'amour. Avant, j'ai lu un livre en anglais, The Girl in the Train, qui est un magnifique policier. Donc j'alterne. J'ai relu il n'y a pas longtemps Romain Gary, Paul Ajar, La vie devant soi, qui est absolument superbe. Donc vous voyez, c'est très éclectique. J'aime beaucoup les romans d'aventure, les romans historiques, les romans de voyage. Et Hugo Pratt. Beaucoup. Et alors vous avez, on peut le dire peut-être à nos auditeurs, hein, votre mari Jean-Claude Gluckman, lui est aussi de cet univers médical, hein, c'est un grand immunologiste, mais votre fils Philippe, lui, dès l'âge de 4 ans, je crois, avait dit « Ah non, je ne ferai jamais ce métier-là ». Lui est dans le monde, justement, artistique, hein, oui. Il est devenu un des grands spécialistes des effets spéciaux au cinéma, c'est ça ? Oui, il travaille pour DreamWorks Animation, donc il est parti aux États-Unis, il devait avoir 25 ans. Il a fait sa place chez DreamWorks, et vous savez, tous ces films, Shrek, Madagascar, eh oui. Et c'est lui qui dirige les effets spéciaux, en particulier tout ce qui est éclairage, rendu des personnages, etc. Et puis il y a 5 ans, DreamWorks a ouvert un studio à Bangalore, en Inde. Vous voyez, il a aussi l'esprit d'aventure, hein. Et donc, il est parti à Bangalore, en Inde, pour ouvrir un nouveau studio, où il y a quand même maintenant près de 300 personnes qui travaillent, et où ils font des films. C'est assez intéressant. Que vous regardez aussi. Donc, il est complètement plongé dans la vie indienne. Et l'univers musical, alors, on vous a demandé de nous faire partager justement cet univers qui est bien à vous. Et vous nous avez proposé un concerto. Oui, je vous ai proposé le concerto pour piano numéro 24 de Mozart, parce que quand on était aux États-Unis à Seattle, on avait amené quelques disques, et celui-là, on le passait en musique de fond. Ça nous rappelait un peu. On avait amené dans les disques qu'on avait amenés, on avait celui-là, on en avait d'autres, bien sûr, et puis on avait Fernand Reynaud, qui nous rappelait un peu notre pays et la France. Donc j'aime beaucoup ce concerto. Eh bien, allez, un extrait, justement. Thank you. Et c'est la suite de la Marche des sciences sur France Culture avec ce concerto pour piano et orchestre numéro 24 de Mozart, le choix d'Eliane Gluckman, qui est notre invitée aujourd'hui, invitée grand portrait de scientifique, professeur d'hématologie, spécialiste mondial de la greffe de sang du cordon ombilical, cette voie de la thérapie génique qui ouvre tant d'espoir. En tout cas, c'est une plongée dans son parcours, sa vie, son œuvre, ce qu'il a construit, ce qu'il a nourri, que nous vous proposons aujourd'hui dans ce numéro de la Marche des sciences et une émission émaillée d'interviews. Interview réalisée par Catherine Decopé et puis d'archives sonores aussi extraites des fonds de l'INA par Anaï Morales et Gwen Michel. Alors, autre trait de votre caractère, Eliane Gluckman, et de votre personnalité, le goût pour la rando et les treks. Et on va entendre tout de suite votre amie Edith Sieg en parler, suivi d'un guide de montagne que vous connaissez bien. Il est de Chamonix, Claude Jacou. Elle est très naturelle. Elle s'intéresse à tout, à vrai dire. Je sais qu'elle est quelqu'un de très important. Mais disons que le décalage entre sa notoriété par rapport à toutes les gratifications qui lui ont été attribuées et le quotidien que je connais d'elle, c'est deux plans tout à fait différents. J'ai là quelques photos. Eliane est là, mon mari est là. Apparemment, pour Eliane, il n'y a jamais rien d'insurmontable ou difficile. On met le temps qu'il faut, on fait les choses et puis on arrive... là où on a dit. Nous avons aussi un ami commun qui est le guide Claude Jacou, que nous connaissions nous par ailleurs. Et le quotidien de la randonnée, c'est... on part pour un but comme toutes les randonnées, avec le sac à dos, le pique-nique. Eliane a toujours sa bouteille de coca et son chocolat. Et voilà, c'est... elle ne nous a pas parlé de ses prouesses en montagne. Je les ai décidés à m'accompagner dans un trekking au Népal. C'était en 1982 et c'était un trekking difficile. Il s'agissait des ce qu'on appelle les trois cols, qui est une randonnée relativement peu faite. Ça a plu à Liane et du coup on a continué. On a continué et on a fait beaucoup de voyages, de trekking, d'ascension, de toutes sortes, puisque j'avais comptabilisé qu'on avait fait ensemble 19 voyages. Oui. 19 voyages, c'est énorme, et des voyages de 3 semaines en un mois, hein, pas des petits voyages. Vous voyez, on a fait vraiment des voyages vraiment aux quatre coins du monde, en Malaisie, au Népal, beaucoup en Amérique du Sud, beaucoup en Patagonie, à l'île de Pâques. Et le dernier, c'est au Mustang, il y a 2 ans. C'est un trek assez difficile parce qu'on est très vite en altitude. Alors, Eliane Gluckman, petite réaction. On en apprend un petit peu plus sur vous, là, avec Edith Sieg et Claude Jacou, les treks, les randos. Rien en tant que parisienne et avec mon mari ne nous prédestinait à faire de l'alpinisme. Et c'est vraiment à la suite de rencontres au ski, puis c'est là qu'on a connu Claude Jacou à la Plagne, et puis on a connu un peu la montagne d'été, on a commencé à monter, on a pris des guides, et puis on est arrivé à Chamonix, on a dit si on est à Chamonix, il faut monter sur le Mont Blanc. Donc, on est monté sur le Mont Blanc et on a fait des voyages. On est allé jusqu'à 6000 mètres d'altitude quand même. C'était pas. Et moi, j'aime bien l'endurance, l'effort et puis la beauté des paysages. Moi, j'aime beaucoup les montagnards parce que ce sont des gens très simples et chacun est solidaire de l'autre. C'est ça que j'aime. La corde qui vous lie dans une cordée, c'est quelque chose de très important. Et on se sent faire partie d'un monde, je dirais, privilégié. Ah oui, et c'est toujours cette corde hein, qui vous lie, ce la cordon corde. Dont on parle depuis le début la de l'émission, va bien. C'est vrai. Hein, ouais, mais il y a aussi le pic. Hein. Il y a aussi le pic. Alors Eliane Gluckman, il fallait donc savoir avancer après aussi cette greffe de sang de cordon ombilical. Et là, vous avez vraiment mis toute votre énergie pour faire en sorte qu'il y ait la création de banques de sang de cordon ombilical. Ah oui, ça a été vraiment une longue randonnée, je dirais. Parce que c'est à partir d'une première, il faut absolument développer. Et le développement à partir d'une idée créatrice, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Donc il a fallu convaincre, il a fallu mettre en place des banques de sang de cordon ombilical, parce qu'on pouvait pas faire de greffe si on n'avait pas la matière première qui était le sang de cordon ombilical. Donc il fallait convaincre les maternités et leur apprendre comment il faut faire. Il a fallu convaincre les centres de transfusion sanguine et les centres de thérapie cellulaire pour qu'ils collectent et qu'ils congèlent. Il a fallu trouver les financements. Il a fallu également convaincre les autorités administratives de l'intérêt. Et comme souvent, on leur a dit, si vous n'avez pas prouvé, on ne peut pas le faire. Mais c'est, comme on ne peut pas le faire si on n'a pas prouvé, on tourne un petit peu en rond. À la banque de expérimentale qu'on avait montée à l'hôpital Saint-Louis, on a été obligé de fermer 3 fois et de réouvrir à chaque fois. Heureusement, à la longue, finalement, les gens ont été convaincus que c'était important et il y a eu des moyens qui ont été mis en place. Mais il a fallu très longtemps. Alors, je disais tout à l'heure que tout ça, tous ces événements-là, c'est arrivé dans les années 80. Les années 80 marquées par la catastrophe de Tchernobyl. On peut peut-être en parler. De quelle façon est-ce que cette catastrophe, finalement, a boosté aussi les choses? Mais ça a boosté les choses parce que c'est à l'origine, en fait, de l'idée. Ce serait peut-être venu quand même ou pas, je sais pas. Mais au moment de la catastrophe de Tchernobyl, il y a eu des gens qui ont dit « Mais alors, si on a un accident nucléaire, on n'est pas préparé », ce qui était vrai d'ailleurs. Et c'est une des toxicités possibles des retombées radioactives, c'est l'arrêt de fonctionnement de la moelle osseuse. Et donc, il y a eu un groupe d'Américains, avec le professeur Brooks-Meyer, donc Rockefeller à New York, qui a dit, mais ce serait peut-être une bonne idée de regarder dans le sang de cordon ombilical s'il y a assez de cellules, de façon à ce qu'à la naissance, on puisse stocker. Et en cas d'accident, on pourrait les utiliser. Évidemment, c'était un peu fou, mais n'empêche qu'une idée qui était fausse au départ a permis de développer quelque chose. Ceci a incité le professeur Brooks-Meyer à regarder ce qu'il y avait effectivement dans ce sang de cordon ombilical. On savait qu'il y en avait chez la souris, mais pas chez l'homme. Et donc, c'est à partir de là que ces idées sont parties. Donc, il a étudié au laboratoire, mais une fois qu'il a montré qu'il y avait ces cellules, encore fallait-il prouver que ça sert à quelque chose. Donc, ils n'allaient pas attendre un accident nucléaire pour les utiliser. Et prélever pour soi-même le sang de cordon, ça n'avait pas de sens non plus, puisqu'il n'y avait pas d'indication. Et donc, c'est là qu'est venue l'idée de les utiliser pour la maladie de Fanconi. D'accord. Donc, il y a eu une logique derrière tout ça. Et dès le début, il y a eu cette discussion à propos de banque publique, banque privée. Et il y a eu un brevet qui avait été déposé. Je me suis battue contre ce brevet. On a gagné finalement, mais ça a été très long et très compliqué. Ouais, parce que là, il y avait pour les banques privées l'attrait commercial aussi. Il y avait du commercial et il y avait une publicité énorme. Ces gens-là gagnaient énormément d'argent puisque le produit qui était prélevé ne serait probablement jamais utilisé. Oui, c'est-à-dire que finalement, on incitait les patients, des familles à déposer, enfin à faire un prélèvement et donc comme une assurance, déposer du sang du cordon en se disant, ben sait-on jamais peut-être plus tard, que ça etc. pourra servir. Et en même temps, chaque famille devait payer pour la conservation. Voilà, ça se fait toujours. Hein. En France, c'est interdit. Effectivement, on avait beaucoup discuté au niveau de quand on a discuté des lois de bioéthique, du statut du sang de cordon ombilical, et on a dit c'est un produit thérapeutique. À partir du moment où c'est thérapeutique, la conservation pour soi-même sans objectif thérapeutique ne pouvait pas être autorisée. Et prélever et congeler du sang de cordon doit être soumis à autorisation pour être dans un établissement de santé publique. Bien sûr. Donc ça a complètement bloqué en France. Mais partout, dans le monde entier, ces banques continuent à fonctionner. Et alors, vous parliez de ces lois de bioéthique. Vous avez participé à leur rédaction, Eliane Gluckman. Deux fois. C'était sous le ministre délégué à la Santé, qui était Bernard Kouchner à l'époque, entre 2001 et 2002. Oui. C'était ça. Et là, quelle expérience. Et toutes ces questions éthiques aussi. À qui appartiennent les cellules souches humaines contenues dans le placenta et le sang du cordon ombilical? C'était très intéressant. C'était vraiment très intéressant parce que aujourd'hui, on ne ferait plus cette greffe de sang de cordon ombilical. On n'aurait pas l'autorisation puisque ce n'est pas prouvé. Et donc, quand on m'a proposé cette greffe, il y avait eu une autorisation de l'université Duke, qui était un comité d'éthique local. Quand ils sont venus en France avec leurs produits congelés qu'ils ont amenés, moi, j'ai demandé au comité d'éthique qui existait à l'époque, qui était un comité d'éthique local, je leur ai dit, voilà ce qu'on va faire. Ils m'ont dit, est-ce que c'est différent de ce que vous faites d'habitude? J'ai dit non, c'est comme d'habitude. Ils ont dit, mais pourquoi vous nous demandez? J'ai dit, très bien. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus. Non. Par contre, aujourd'hui... Parce que je leur ai dit, c'est une grève comme tout. Ouais. La seule chose qui change, c'est l'origine des cellules. Ce qui était vrai. Et aujourd'hui, alors, est-ce qu'on on a le chiffre, par exemple, sur le nombre d'accouchements en France? Combien de prélèvements sont faits? Pour l'instant, il y a eu un effort considérable qui a été fait au niveau de l'agence de la biomédecine, où on a très rapidement, finalement, collecté 30 000 unités de sang de cordon ombilical. L'objectif n'est pas d'augmenter indéfiniment les banques de sang de cordon. L'objectif est d'avoir des banques avec des cellules de qualité qui puissent être utilisées, prêtes à l'emploi, avec toutes les conditions de sécurité nécessaires. Donc on est monté très rapidement à 30 000 et actuellement, il y a une croissance, mais une croissance qui a été diminuée parce qu'il n'y a pas besoin, puisqu'on accepte des greffes incompatibles, on n'a pas besoin d'augmenter indéfiniment les stocks. D'autant plus qu'il y a un réseau international où il y a plus de 600 000 unités de sang de cordon ombilical qui ont été conservées. Et donc, comme on accepte des greffes incompatibles, il faut augmenter, bien sûr, en termes de qualité, en termes d'amélioration, mais il ne faut pas augmenter. Aujourd'hui, il y a 25 millions de donneurs dans le monde pour les cellules hématopoïétiques. Sur ces 25 millions, on a 24 millions, 23 millions de donneurs adultes de moelle. Et on a 600 ou 700 000 greffons de sang de cordon ombilical. D'accord. On peut augmenter, mais on ne doit pas augmenter indéfiniment. Et quand il faut renouveler de... oui. les stocks, je dirais. Et puis, peut-être augmenter dans certaines populations. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les malades d'origine ethnique diverse. Parce que la probabilité pour trouver un donneur quand on est blanc, européen ou blanc caucasien, comme on les appelle en anglo-saxon, est de 80%, 90%. Par contre, si vous prenez des patients d'origine africaine ou mixte, c'est-à-dire africaine-asiatique, la probabilité de trouver un donneur est de 10%. Et vous travaillez beaucoup sur ce terrain-là, puisque vous menez vraiment une recherche ciblée sur la drépanocytose depuis ces derniers temps, et oui. notamment, bien sûr, sur le continent africain. Et là, c'est un véritable enjeu pour demain. Oui, c'est un vrai enjeu à la fois de socio-économique, mais aussi de comment, la question qui est posée, c'est comment mettre à la portée de tous ce que nous développons dans les pays dits riches et comment on peut arriver à mettre ces techniques dans les pays émergents. Et la drépanocytose est vraiment un très très très bon modèle car on peut tout faire jusqu'à la thérapie génique dans cette maladie. Et c'est une maladie épouvantable. Oui, bah, rappelons-la justement. C'est une maladie qui est une anomalie génétique, je reviens toujours aux maladies génétiques de l'enfant, qui est liée à une mutation de l'hémoglobine. Les globules perdent leur élasticité, ils deviennent très rigides. Ils vont boucher les petits vaisseaux et se détruire. Et donc c'est une maladie qui va donner des douleurs épouvantables, et qui va entraîner des séquelles très importantes parce que les petits vaisseaux vont aller se boucher dans le cœur, dans les poumons et surtout dans le cerveau. Le traitement, il est simple, c'est la greffe. La greffe peut les guérir totalement et on a repris il n'y a pas longtemps les résultats des greffes dans le monde. C'est 95% de guérison si on a un frère ou une sœur identique. Il y a encore beaucoup à faire depuis le diagnostic. Depuis le diagnostic pré- et post-natal, je vous signale qu'en France, aujourd'hui, il n'y a pas de... Le diagnostic post-natal systématique n'a pas été accepté par le Parlement. Et nous avons fait une demande de révision, ce qui est absolument insensé pour une maladie aussi fréquente. La drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente au monde. Et le nombre, avec toutes les migrations d'origine africaine, est en train de monter partout. Et qui touche combien de personnes? Les gens commencent à être un petit peu sensibles. Et qui touche combien de personnes? Oh ben, en France, il y a au moins 50 000 personnes. Il n'y a pas de registre en plus, donc c'est difficile. Oui, mais le nombre de patients en Europe est de l'ordre de 200 000. Aux États-Unis, pareil. Et si vous allez au Brésil, en Inde ou En Afrique, j'en parle même pas, et c'est extrêmement fréquent. Mais il y a des petits moyens simples qui permettent quand même d'améliorer les patients, même si on ne pouvait pas les greffer. Alors depuis cette greffe de 1988, Yann Gluckman, quelles sont rapidement les maladies qui ont pu être vaincues avec la technique ? Ben tout. Toutes les maladies hématologiques, toutes les indications de greffe, c'est-à-dire les enfants, les adultes, les leucémies, toutes les maladies hématologiques malignes et non malignes. Et on travaille beaucoup aussi sur les cancers ? Les cancers, tout dépend de ce que vous appelez cancer. Mmh. Nous, on est hématologistes. Non, on n'a pas de programme pour, par exemple, cancer du sein, cancer de la prostate. Mm-hmm. Nos techniques ne sont pas adaptées à ça. Mais il y a des pistes... Il y a des pistes intéressantes à partir de lymphocytes programmés sur les cellules cancéreuses. Mais c'est déjà... pas maintenant. C'est en train de mûrir dans les laboratoires, mais il n'est pas impossible qu'à partir du sang de cordon, on arrive à faire des cellules tueuses du cancer. C'est ça vient. Eh oui, il faut que la recherche avance. Alors justement, allez, un petit cadeau, une archive extrait des fonds de l'INA, la voix de votre cher Jean Bernard. Hein, allez, ah oui. Radioscopie lui était consacrée le 24 avril 1978. Et voici ce qu'il disait sur la recherche. La recherche est une propriété, une vertu des individus jeunes. Il y a naturellement des exceptions glorieuses. Pasteur a fait des découvertes tard dans sa vie. L'illustre Karl Landsteiner, ce savant viennois, qui a découvert en 1900 les groupes sanguins, le système RBO d'où dépend toutes les histoires de transfusion, a découvert le facteur rhésus en 1939, c'est-à-dire tout à fait tard dans la vie, 39 ans après la première découverte. Mais ce sont des exemples tout à fait exceptionnels. Et il y aurait d'ailleurs des études à faire pour les possibilités de découverte, d'activité intellectuelle selon la discipline à laquelle vous vous livrez. On trouverait ainsi que les mathématiciens, les musiciens ont leur génie de très bonne heure, que les peintres peuvent l'avoir extrêmement tard dans la vie. Il y a des exemples très glorieux de grands peintres ayant fait d'admirables tableaux très tard dans la vie. Mais en science, je crois que pour les biologistes, ce n'est peut-être pas tout à fait aussitôt que les mathématiciens, parce qu'il y a un apprentissage technique qui est absolument indispensable. Mais le plus souvent, le génie, l'aptitude à découvrir s'arrête de bonne heure. Tandis que pour le médecin, plus il est vieux, plus il a acquis d'expérience, et par conséquent, dans une certaine mesure, si son activité intellectuelle reste raisonnable, il est en effet meilleur médecin au fur et à mesure qu'il avance dans la vie. Et Yann Gluckman, Jean Bernard, alors sur le médecin, le chercheur, là on a envie de vous poser cette question aussi, quand vous regardez en arrière, vous regardez votre parcours, il y a encore l'avant, hein, mais qu'est-ce qui vous rend peut-être la plus fière, et puis est-ce que vous avez vraiment un regret ? Ah, c'est difficile, hein, cette question pour répondre. De quoi je suis fière ? Je ne sais pas si je suis fière parce que j'ai un tempérament, je dirais, plus réservé. Oui. Non, je crois que j'ai eu une vie tout à fait passionnante à tous les points de vue. J'ai eu une vie un peu familiale, relativement équilibrée parce que j'ai un bon mari. Et donc, il m'a beaucoup aidée pendant ma carrière. Donc, je n'ai pas trop souffert de ce que représente la vie, la compétition. Et pour une femme, notamment. Surtout pour une femme. Oui. Mais je dois dire que j'étais complètement indifférente, c'est ça. C'est ça qui a dû les surprendre. Parce que moi, je faisais mes choses. Vous avanciez. J'avançais. Et puis, ce qui se passait par ailleurs, que je ne faisais pas partie des commissions, que je n'étais pas invitée, que ce n'était pas reconnu, ça m'était un peu complètement égal. Alors, la question regret, c'est peut-être à la question justement de votre amie Edith Sieg que vous allez pouvoir nous répondre. Elle la pose tout de suite. Alors, Eliane, voilà une question que j'aimerais bien te poser. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire si tu n'avais pas été ce que tu es ? Qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre ? Oh ben je crois que j'étais programmée pour être ce que je suis. Je crois que je n'ai aucun don à part ce que je fais. Je ne sais pas peindre. Vous referiez la même chose ? Je pense que oui. Évidemment, la vie est une suite de rencontres. Donc j'aurais pu peut-être finalement... on ne sait pas quand on est jeune. J'aurais pu très bien être médecin généraliste à la campagne, m'occuper de mes enfants. C'est difficile de savoir. Moi, je crois que ce qui est très important, et quand je parle avec des plus jeunes, c'est que on est tous les jours, on a des choix devant soi. Et selon le choix qu'on fait à un moment donné, la vie va être complètement différente. Mais on ne peut pas savoir ce qui se serait passé si on avait pris un autre chemin. Mais moi, ce que j'essaye de leur dire, c'est que si vous avez un choix, essayez de prendre un truc qui est mieux que ce que vous avez maintenant. Effectivement, en tout cas, cette voie, c'est le monde de la médecine, c'est le monde de la recherche. Allez, dernière question posée par le guide de montagne, votre ami aussi, Claude Jacou. Eliane, il y a une question que je voudrais te poser. Quand est-ce que nous repartons en voyage ensemble? C'est tout simple. J'en ai un de proposer très tranquille en Turquie l'année prochaine. Donc j'espère que vous en serez. Voilà. Ah, mais les voyages avec Claude sont toujours exceptionnels. Parce que c'est un guide exceptionnel. Il nous a toujours fait des trekking qui étaient en dehors des sentiers battus, toujours au contact de la population. Et c'était des voyages toujours très originaux parce que au cœur de ces pays et en connaissant les gens. Donc vous êtes partante. J'ai pas de voyage pour l'instant prévu. Bon, mais juste après l'émission, vous l'appelez, hein, parce que je pense qu'il attend votre coup de fil. Merci Eliane Gluckman. Et alors, dernier petit cadeau, grâce à votre mari d'ailleurs, parce qu'il nous a un petit peu parlé des États-Unis et lui nous a parlé de John Baez que vous écoutiez. Alors, si vous en êtes d'accord, on a fait un choix pour vous et pour lui. C'est la reprise par John Baez de la chanson Imagine de John Lennon. Ah, c'est beau ça. Quelle voix, oui. Quel message aussi à faire passer, en tout cas ce message pour la paix, pour le vivre ensemble. Oui. Merci à vous Eliane Gluckman d'être venue nous faire partager votre parcours de vie. Et je rappelle que les informations et les liens sont à retrouver et vous concernant sur le site de l'émission La Marche des Sciences, franceculture.fr, émission à réécouter pendant 1000 jours ou à télécharger pendant un an. Un salut complice, bien sûr, à l'équipe qui m'a épaulée dans ce numéro de La Marche des Sciences. Catherine Donnet, Catherine Decopé, Anaï Morales et Gwen Michel de l'INA. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Dreamer. réalisation Alexandra Malka et à la technique Bruno Gagnère-Fontanille. Et la semaine prochaine, nous serons en compagnie d'une autre femme de science dont le parcours de vie mérite que l'on s'y intéresse plus que jamais, la vétérinaire Marie-Claude Bomzel. Personnellement, j'aime surtout les cabiais. Les gros rongeurs énormes qui ressemblent un peu à des cochons d'Inde et les ours. Mais bon, c'est vrai que là, avec Nénette, il y a eu beaucoup de choses. Et puis, je suis moins fan d'oiseaux, là, comme le serpentaire, a-t-il dit, vous savez, c'est un oiseau. C'est quoi ça? Ben, c'est un rapace qui a l'intelligence, si je puis dire, de sembler plutôt un héron. Mais bon. Et bon, je suis moins touchelée par ça parce que je suis une tactile et que j'aime les animaux comme ça. J'aime assez les bovins aussi. Non, finalement, sincèrement, j'ai pas de préférence. J'aime vraiment tous les animaux. J'en arrive même maintenant à refuser d'écraser une fourmi. On m'engueule, il n'y a pas d'autre mot et tout. Je hurle si on s'approche des abeilles et autres genres, même les bourdons. On m'appelle Mamie Mouche parce que je protège. Un jour, mon petit-fils me dit, mais pourquoi tu laisses les mouches? Je dis, je suis la reine des mouches. Et alors, il me dit, t'es Mamie Mouche. Donc, je dis, voilà, je suis Mamie Mouche. Préservée. Donc, vous voyez où j'en suis arrivée. Eh oui. Il n'y a que les puces des chats parce que là, mes chats, même n'aime pas beaucoup. Ce sont des rois, eux aussi. Mais vraiment, vous portez haut cette diversité du monde vivant, hein, c'est ça, en fait. Ça doit être ça. Concrètement, qu'est-ce que les animaux vous ont enseigné, vous ont apporté, Marc-Claude Bomzel? Alors, il est classique de vous dire tout, non. Ça dépend des animaux, j'allais dire. Donc, on l'a dit avec Nénette, la patience, indiscutablement. La grande intelligence des oiseaux, pour moi, vous voyez, je n'aime pas les oiseaux, mais je suis toujours... J'avais déjà été frappée avec les corbeaux, de leur façon de nous observer, de faire toutes sortes de cachettes, avoir une mémoire ponctuée de différents objets qu'il allait cacher et tout. Donc, l'observation avant d'agir, parce que finalement, c'est peut-être nous qui agissons plus précipitamment que certains animaux, comme les oiseaux. Finalement aussi l'approche, j'étais pas une fan des reptiles, la douceur du velouté de la peau des reptiles, tout ça ça touche vraiment vos sens et à travers eux vous voyez après leur intelligence. Vous devenez très humble quand vous connaissez les animaux. Donc on apprend énormément à leur contact en les observant et une grande humilité devant eux. Marie-Claude Bomzel. Pour l'amour des animaux, ce sera samedi prochain. Mais d'ici là et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Nazawiyat de Charlotte Bien-Aimée. Bon samedi à vous tous et portez-vous bien.